Bonjour, moi c'est Julia. Mon métier de rêve, c'est devenir vétérinaire. Il y a plusieurs types d'animaux, donc les animaux de la ferme, des gros, des petits, etc. Est-ce qu'on pourra soigner vraiment tous les animaux, genre des girafes, des pingouins, des... je sais pas moi. Oui. Même mon hippopotame? Oui, mais il faudra l'endormir pour pas qu'il fasse mal à quelqu'un. Même des loutres? Oui. Même des chats? Ben oui. Tous les animaux du monde! Oui, mais certains, vu qu'ils sont dangereux, il faudra les endormir. Il s'appelle comment ton lapin? Camarade. Et ton chien? Oka. Préfères-tu les chiens ou les chats? Les chats. Comment s'appelle ton chat? Minouche. Pourquoi tu veux faire vétérinaire plus tard? Parce que j'aime bien les animaux et je veux les aider. Depuis quand veux-tu être vétérinaire? Depuis toute petite. Un de mes plus grands rêves, c'est de devenir esthéticienne. Pour faire les ongles, les massages, les soins du visage, les épilations, et d'avoir une petite maison près de son bref, dont la décoration sera toute mauve pastel. Je serai ta cliente la plus fidèle. Tu rigoles? Ce sera moi ta cliente la plus fidèle. Non, moi. Non, moi. Non. J'ai dit que c'était moi, alors c'est moi. Non. Si. Non. Madame l'esthéticienne, dites-moi, c'est qui votre cliente la plus fidèle? Stop, stop, stop, c'est fini maintenant. Et t'aimerais bien que toute ta maison soit mauve? Non. Ta chambre, elle sera mauve pastel? Non. Rassure-moi, tu feras pas tous les ongles en mauve pastel. Non. Est-ce que tu ferais des ongles tourbillonnants? Je dis ça comme ça, j'ai pas envie d'en avoir. Hein. Je sais pas encore. J'adore la danse. Mon plus grand rêve, c'est d'aller à The Dancer et d'aller aussi à la Star Academy. Il y a 5 ans, j'ai commencé la danse. J'ai commencé par un cours de kids dance. Après, j'ai fait du hip-hop, puis du raga et du hip-hop. J'ai fait du jazz aussi et du raga et du contemporain. J'ai deux meilleures amies que je ne quitterai pour rien au monde, Elisa et Emma. J'ai une meilleure amie aussi qui est au scout avec moi, elle s'appelle Maëlys. Est-ce que tu as une troisième amie? Oui, ma troisième meilleure amie, c'est Léa Depas. Mais de toute façon, toutes les filles, c'est tes copines, non? Bah oui, mais il y en a plus que d'autres. Est-ce qu'il y a certaines copines qui vont au scout avec toi? Oui, Emma, Elisa et Laure. Est-ce que parfois elles t'énervent? Bah, ça peut arriver, mais c'est très rare. Une fille s'appelant Adrielle, j'ai oublié. Une styliste s'appelant Adrielle visite Paris et New York. Va-t-elle faire le tour du monde? En tout cas, elle a déjà vu la Dame de Fer, la fameuse Statue de la Liberté, la Joconde et du coup le Louvre. C'est tous des musées? Non, pas tous. Enfin, la Tour Eiffel, je suis pas hyper sûre, mais le Louvre, oui. La Joconde, c'est un tableau. Enfin, en gros, la Joconde, c'est Mona Lisa. Et voilà. Tu as été sur Liberty City pour voir la statue? On était censé aller le voir avec mon cousin, mais on n'a pas pu parce que le van n'était pas assez grand. Est-ce que tu as de la famille aux États-Unis? Oui, 3 cousins, et du coup, ma tante et mon oncle. Est-ce que tu pars souvent en state? Non, c'est juste... c'était la première fois que j'y allais à... Ah oui, l'année passée, puisque maintenant on est en 2025. Est-ce que tu as créé beaucoup d'habits différents, comme tu as dit que tu étais styliste? Moi, je dessine des habits. On les a pas encore cousus, parce que je suis encore une enfant, mais... Tu vas réaliser tes rêves plus tard? En espérant que oui, parce que ma maman, elle veut que je sois docteur pour que je gagne beaucoup d'argent, mais moi, je veux être styliste. Est-ce que ta famille qui est aux États-Unis parle anglais? Oui, et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé les cours d'anglais et que j'ai installé Duolingo, parce que je comprends rien quand ils disaient « Hi, I am Camille and you », je comprenais rien du tout. Donc, eux, ils parlaient comme ça. « Avec un arne, un andico, un douan ». C'est bien comme ça, à peu près? C'est pas vraiment le bon mot, à peu près. Non, en fait, il parlait pas du tout comme ça. Tu devrais arrêter d'essayer parce que tu vas t'enfoncer encore plus loin et ça ressemble vraiment pas à ça.